vie de black. Noir propre, des phases de désespoir. Rien à faire, fier, mais rentre pas dans les normes. Ceux qui donnent la confiance du voisin avec des cornes. Nous, ska, président de groupe comme ça. Tcha tcha tcha tcha tcha tcha. Dis aussi tel catch, fils fils. Le passé est passé, des bases, il reste désert. Et moi j'assume un vrai calvaire. Depuis l'âge de pierre, à croire à tant de prières. La résistance savent chauffer par la lumière. L'homme nègre non intègre s'implique pour la pègre. Opte pour la désorganisation de la C. Grigasse, garce, pas de glace. Pour le socaille, et fan et pas de blague. Prends le mic pour une flaque d'hémoglobine. Pas de marabout, crame nous. Se traîne dans la bouse jusqu'au magasin. Achète mon scotch, tu veux tu flouses. Gina pour les gaz, stress, crête, crame nous. Représenté de full blues. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qui la répliante, c'est Xiangulin ou des eaux du Gange. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qui la répliante, c'est Xiangulin ou des eaux du Gange. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qui la répliante, c'est Xiangulin ou des eaux du Gange. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qui la répliante, c'est Xiangulin ou des eaux du Gange. En tant que médis, je pisse sur les burrasques qu'il trace et qu'il voit un homme de couleur. Il détale, il flippe. Assez spécial, l'extra-balle mentale qui t'explose l'encéphale à la fin du bal. Mais si tu viens avec nous, tu danseras avec les loups. Hanté, mystifié, envoûté par le style fou. Au combat, tu prends des coups de crosse. Bang bang, comme dans un film atroce. Ne me prends pas pour un chien, car c'est toi qui aboie quand tu me sens. Tu barris, tu meugles, tu jacasses. Débarrasse le plancher, sinon je t'écrase comme un insecte. Infection éliminée par le système direct. Peck check, l'argument du caméléon. Celui qui sort des 5C pour les poétiques. Un stick marocain, à la main j'avance le refrain. Que t'arrives de Yangtze, Kiang du Nil ou des eaux du Gange. Oulia, mec, en France, eh bien tu nous déranges. Tu nous déranges. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qu'il arrive du Yangtze, Kiang du Nil ou des eaux du Gange. Je ne suis ni ton copain, ni ton voisin, ni ton frère. Tu n'es qu'un parfait étranger pour moi. Sortant de son pays natal pour cause de guerre civile, étranger, plein d'espoir, arrive en France à terre promise. Un pays, un boulot, du repos, des loisirs, des espoirs, sans gloire. Il tombe sur la justice noire, injustice est de mise avec les fachos. Mais qui peut y croire, voir ailleurs ferait peut-être partie de ses meilleurs choix. Car subir la mise à l'écart du système est à la mode. L'étranger l'a compris en captant le journal des vogues. Le dialogue n'a qu'un sens quand il s'agit de s'expliquer. Laisse-toi piquer par la peur du retour au bled. L'aide nécessaire à ton maintien varie en fonction des gens. Du temps, de l'argent, du vent qui change de temps en temps. J'inventerai une journée en ton honneur sur le calendrier. Même si je pense que chaque journée du genre est un canular. Juste pour le principe, je veux que t'y participes. Songe donc aux hommes politiques que je décapite. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qu'il arrive du Yangtze, Xiangulin ou des eaux du Gange. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qu'il arrive du Yangtze, Xiangulin ou des eaux du Gange. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qu'il arrive du Yangtze, Xiangulin ou des eaux du Gange. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qu'il arrive du Yangtze, Xiangulin ou des eaux du Gange. 13 le Metec débarque sur le track pour tout frais. Que représente le bad boy, mon garçon 100% roughneck. Car le rital qui t'offre dans la pub, les cappuccinos n'existera jamais, tu viens, tu seras capuche chez nous. Dans le tel car, le tiécar, la loi du talion règne. Ou un proverbe italien pour mieux expliquer que cela saigne. Car en France, tu parles italien, on croit que t'es dans la mafia. Méfiez-vous, méfie-toi, la mifa de la camorra. Rakiri, qui rira, le dernier sera l'étranger. Dans les bacs, dans la place, à ta place, toujours là. Toujours F1 prêt mon gars pour la guérilla. Spaghetti mais tech bouffeur de paella. Je revendique tout haut ce que les fachos pensent tout bas. N'est-ce pas, ça se passe comme ça chez les Cisra. Ils vivent dans le passé et nous on mélange nos racines. C'est un métissage d'Al Capone et d'une danseuse de flamenco. T'hallucines, je te dérange, jamais tech de plus en France. Canon numéro 1 qui casse des 10 sur le microphone. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qu'il arrive du Yangtze, Xiangulin ou des eaux du Gange. L'étrange étranger, quel curieux mélange. Qu'il arrive du Yangtze, Xiangulin ou des eaux du Gange. L'étrange étranger.